j'ai la poupée d'IT dans ma gauche, j'étais dit. Elle était émotive en parlant de Jean-Yves, un amant incompris, quelqu'un d'amour en vie. Eh oui, mais je me foutais de sa vie et surtout de son envie, beaucoup moins de son envie. Tu veux pas, je reste en vie. Tu sais pourquoi, beau gosse ? Je suis un match tout à l'heure. Et je sais qu'elle m'adore. Non, non, non, non, non, non, non. Je m'allume, malibu, malade, pas bon, quand j'ai trop bu. Perc, les magazines nous contaminent, je préfère encore les fanzines. Pour la télé, y'a pas de photo, je préfère à mes jours les vidéos. Pour une image du monde, de votre âge, du monde, vivre sur le cul de ces individus. Et on peut rien à dire que Raoul sur sa tire, je suis pas chez Zala. Et je sais qu'elle m'adore. J'ai le mouvement en poche. Et d'un pas pragmatique, je pratique la drague. Et ma poitrine est un verre, il faut y remédier. Pour jouer au salaud comme les filles de Genouin avec un rond.